chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Wahlberg Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. On a beaucoup parlé de Philippe Lavoie la semaine passée, qui a participé à la Coupe Canada et qui a aidé le Québec à remporter pour la sixième année consécutive le titre de meilleure équipe. Mais pendant ce temps-là, il y a un joueur de Saint-Félicien, c'est Louis Potvin du journal Apocalypse qui nous apprenait ça dimanche, qui est allé jouer en Chine. On y a parlé l'an passé, c'est Charles-Émile Bouchard. Et question un peu de savoir comment il a trouvé, comment se fait-il qu'il est allé jouer un match de football en Chine. On lui parle. Salut Charles-Émile. Bonjour. Charles-Émile, d'abord, parle-moi de cette expérience-là. C'est une expérience incroyable pour moi, autant au niveau culturel qu'au niveau football. Ça a été vraiment l'expérience de ma vie. C'est tellement dépaysant là-bas. C'est un pays complètement différent qu'ici. Donc, puis le niveau était le plus haut que j'ai joué de toute ma vie. Donc, ça a été l'expérience de ma vie, effectivement, oui. OK. Si on parlait de comment se fait-il que tu es allé jouer du football en Chine? Dans le fond, c'est la Fédération internationale de football américain. Okay. Ils font tous les deux ans un championnat international avec plusieurs pays. Puis, chaque pays font leur équipe élite de 40 joueurs sélectionnés partout au travers de leur pays. Puis j'ai été sélectionné par l'équipe canadienne de football qui sont venus me chercher chez après un camp d'entraînement qui se faisait à Dallas cet hiver. Ouais. Ils m'ont sélectionné pour faire l'équipe des moins de 19 ans pour aller jouer le championnat international en Chine à ce moment-là. OK. Donc le match que tu es allé jouer au stade des Cowboys de Dallas, on s'était parlé quand tu es allé le jouer, c'est suite à ça là. Oui, c'est ça. Ça, c'était comme une exhibition à ce tournoi-là. Fait qu'ils prenaient les meilleurs des matchs d'exhibition qu'on faisait au stade des Cowboys de Dallas, au Texas. Okay. Ils prenaient les meilleurs pour faire l'équipe nationale. Ah, c'est bon. C'est très, très bon. Mais on a parlé du calibre. Le calibre, c'est quoi? Parce qu'en Chine, c'est pas développé. Bon, le football est moins développé, j'imagine, que le basket. Le soccer est développé également, mais le football américain? Oui, bien, c'est sûr que à ce tournoi-là, comme vous l'avez dit, le football américain n'est pas développé partout. Dans certains pays, comme la Chine qui participait, avaient plus de difficultés que les États-Unis ou le Canada qui ont plus organisé comme le développement est plus organisé. Okay. Donc c'est sûr qu'il y a plusieurs pays qui, excusez-moi l'expression, mais qui n'arrachaient, mais ça a été le niveau dans certains pays comme le Mexique, le Canada et les États-Unis, c'était très très fort. Il y avait des bonhommes assez immenses qui étaient là, puis les. Donc c'est oui. Mais c'était un tournoi quoi? C'était un tournoi avec la France devait être là quoi? La France n'était pas là cette année. Je sais qu'ils étaient là les années précédentes. Okay. Mais il y avait, comme je vous dis, Mexique, États-Unis, Canada, Chine, Japon, Australie, Autriche, plusieurs pays comme ça. Puis vous autres, le Canada, vous êtes sûrement rentrés en finale contre les Américains? Oui, oui. On s'est rendu en finale contre les Américains. Okay. Les Américains étaient les favoris, mais finalement, on a eu raison de croire en nous, puis on a gagné la finale du championnat du monde, donc avec une grande surprise. Dans l'histoire de ce pays-là, de cette compétition-là, sûrement qu'il y a des joueurs qui ont joué, qui ont atteint la NFL et la Ligue canadienne, qui sont allés jouer en Chine pour ça? C'est pas toujours en Chine, ça change à tous les tournois. Il y a deux ans, c'était au Koweït. Ok. Il y a des joueurs des éditions précédentes qui ont qui ont percé l'alignement professionnel, autant la NFL que la Ligue canadienne. Mais c'est sûr, ça fait une très bonne visibilité pour nous les joueurs qui font ce tournoi-là pour un niveau plus élevé là, okay. À ce moment-là. Si on parlait justement de... Est-ce qu'il y avait du monde un peu en Chine lors de ces matchs? Oui, il y avait... les Chinois, ils étaient quand même impressionnés parce qu'eux autres, il y avait... C'est pas beaucoup développé là-bas, puis... Ouais. Il était quand même impressionné par nous parce que les Chinois c'est un peu passé petit généralement, donc nous voir arriver puis voir jouer un sport qu'il avait vraiment pas vraiment vu avant ça, comme c'était vraiment curieux pour eux autres. Puis c'est ça, il y avait une très grosse salle de 25 000 personnes pareil là-bas, puis il y avait beaucoup d'assistance, plus que je pense. Et l'ambiance doit être complètement différente. On regarde en Europe, quand on regarde le soccer européen, puis le soccer en Amérique du Nord, c'est pas du tout la même sorte d'ambiance. Le hockey, c'est la même affaire. Lorsqu'on fait un beau catch, est-ce que ça applaudissait? Oui. Surtout qu'on était un pays très apprécié en Chine, le Canada. Fait okay. Que quand on jouait et qu'on faisait des bons jeux, les Chinois applaudissaient, ils se levaient debout, puis ils savaient apprécier nos jeux qu'on faisait. Là. Okay. Fait que, on avait une très bonne assistance. Toi, t'as maintenant sur le plan individuel, est-ce que tu as joué beaucoup? Oui, j'ai été partant 3 matchs sur 4, dont la finale d'or. Ok. J'ai joué beaucoup d'unités spéciales aussi. Donc, mon temps de jeu pour moi, qui était le plus jeune joueur de l'équipe canadienne, j'ai pas à chialer là-dessus. C'était pas plus que de ce que j'espérais pouvoir avoir. Oui. OK. Si on parlait certainement qu'il ne devait pas avoir de recruteur, de dépisteur, parce que même si tu as moins de 19 ans, tu es connu, là. Tu commences à être connu. Les bons prospects commencent à être connus. En Chine, est-ce qu'il y avait des dépisteurs de la NFL, des dépisteurs de l'équipe canadienne? T'en as-tu vu? Non, j'ai pas vu des recruteurs vraiment qui se montraient. Mais tu sais, il y avait dans l'équipe dans nos équipes, c'était beaucoup des entraîneurs des niveaux universitaires et même plus haut. Donc ils notent un peu ce qu'ils voient, même s'ils sont là juste pour entraîner. Donc ça te fait une très bonne visibilité tout de même s'il n'y a pas de recruteur assigné à ce tournoi-là. Si on parlait maintenant de ton choix, parce que là, la prochaine heure, la prochaine année, tu passes à un autre niveau, tu passes au niveau collégial. Quand on s'est parlé l'hiver dernier, par la suite, j'ai tombé en congé maladie, donc j'ai pas été en mesure de te suivre, mais tu as fait ton choix maintenant. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pris ce collège-là? Je pense que c'était le collège qui me ressemblait le plus. Okay. Qui était vraiment plus encadré. Je pense que rendu à ce niveau-là, il n'y a pas nécessairement de mauvais choix, mais je pense que non, ce cégep-là, c'était le cégep qui faisait mon programme aussi dans ce quoi j'étudiais en technique policière. Donc je pense que c'était la gang de football qu'il y avait là. Je pense que c'est ça qui allait le mieux pour ma personnalité puis pour mon type de joueur aussi. Okay. C'est sûr qu'il y a des écoles qui sont plus opportunistes pour telle position que d'autres. Donc je pense que c'est une bonne décision. Si on parlait maintenant de ta carrière, comment tu vois le technique policière? C'est sûr que je pense que ton père est policier également, donc tu veux suivre les traces de ton père. Mais si tu étais allé jouer dans les meilleurs prospects de l'équipe canadienne, c'est parce qu'on voit un potentiel fort intéressant dans toi. Est-ce que tu veux éventuellement faire une carrière dans la Ligue canadienne? Shane Gauthier l'a prouvé à quelque part là, qu'on peut atteindre la Ligue canadienne même sur ta région. Là. Oui, effectivement. C'est de quoi que j'envisage, veux pas. Mais mon but premier, c'est d'avoir mon diplôme collégial et peut-être même mon diplôme universitaire. Ça, c'est mon premier but. Si jamais mes efforts d'entraînement réussissent à me rapporter pour être repêché soit les Canadiennes ou Ligue nationale, on sait jamais. Ben c'est sûr qu'à ce moment-là, je serais pas capable de refuser ça. Ouais. Mais est-ce que je cours nécessairement après ça? Je pourrais pas vous dire. Mon but premier, c'est vraiment les études, puis de réussir mes études. Oui, parce que le football a arrêté. Les études football. Ont arrêté beaucoup sur le football. Ça, t'as pas de problème là-dessus, là. J'ai connu beaucoup de bons joueurs de football qui auraient fait une belle carrière, mais c'est les études qui les ont bloqués, hein. Et oui, effectivement. Le football, les études, c'est, ouais, ça vient ensemble. Faut que tu réussisses les deux pour jouer. Dernière question. Est-ce qu'on t'a promis au niveau du terrain en première année? Souvent, au niveau collégial, le joueur prend une pause et sur le terrain de pratique également, au mieux et chez une unité spéciale. Est-ce qu'on t'a promis du temps de jeu quand même assez régulier pour la première année au niveau collégial? Non. Notre coach veut surtout qu'on se dépasse en tant que joueur. Donc, je pense que promettre du terrain à un joueur, ça... Ouais. Ça fait un peu, ça c'est sur ses lauriers, si je peux, okay. Si vous comprenez un peu. Ouais. Fait que je pense qu'il dit à tout le monde, à tous ses joueurs, il dit, écoutez, il y a aucun poste de premier à personne. Montrez-moi que vous êtes capable de jouer, puis je vais mettre les meilleurs qui vont jouer. Donc moi, je sais pas si je vais jouer. Peut-être que je jouerai pas. Ça veut pas dire que j'ai fait l'équipe canadienne que je vais jouer, mais c'est sûr que ça me prépare pour la saison, puis désolé, je pars avec une longueur d'avance sur certains joueurs à ce moment-là. Okay. Donc, faut que je travaille tout de même pour avoir mon temps de jeu. Ben, Charles-Émile, très intéressant, une belle expérience que tu nous as partagée, puis on va s'en reparler cet automne lorsque la saison a commencé, mais on va faire le tour un petit peu des joueurs qui s'alignent au niveau collégial. Parfait. De Saint-Félicien, Charles-Émile Bouchard.